Le corbillard, orné de draperies pendantes et de hauts plumets, s'achemina vers le Père Lachaise, tiré par quatre chevaux noirs, ayant des traits dans la crinière, des panaches sur la tête, et qu'enveloppaient jusqu'aux sabots de larges caparaçons brodés d'argent. Leur cocher, en bottes à l'écuyère, portait un chapeau à trois cornes, avec un long crêpe retombant. Les cordons étaient tenus par quatre personnages, un questeur de la Chambre des députés, un membre du Conseil général de l'Aube, un délégué des Houilles, et Fumichon, comme ami. La calèche du défunt et 12 voitures de deuil suivaient. Les conviés, par derrière, emplissaient le milieu du boulevard. Pour voir tout cela, les passants s'arrêtaient. Des femmes, leurs marmots entre les bras, montaient sur des chaises, et des gens, qui prenaient des chopes dans les cafés, apparaissaient aux fenêtres, une queue de billard à la main. La route était longue, et, comme dans les repas de cérémonie, où l'on est réservé d'abord, puis expansif, la tenue générale se relâcha bientôt. On ne causait que du refus d'allocation fait par la Chambre au président. M. Piscatori s'était montré trop acerbe. Montalembert, entre guillemets, magnifique, comme d'habitude. Et M. Chambol, Pidou, Creton, enfin, toute la commission aurait dû suivre, peut-être, l'avis de M. Quintin Bochard et Dufour. Ces entretiens continuèrent dans la rue de la Roquette, bordée par des boutiques, où l'on ne voit que des chaînes en verre de couleur et des rondelles noires couvertes de dessins et de lettres d'or, ce qui les fait ressembler à des grottes pleines de stalactites et à des magasins de faïence. Mais, devant la grille du cimetière, tout le monde, instantanément, se tut.